mort. Rose Marie. Car c'était le lit de l'idéal, lit de l'idéal, lit de l'idéal. Celle dont tout le monde rêve après le bal, c'est Rose Marie. Pala papa, pala, pala, pala papa, pala la, pala la, pala, pala papa. Attention, attention, la la la la la. Hey, oui, c'était la plus belle de tout le canton. Rose Marie. Hey, la plus âgée du village, mais qui est-ce donc? Rose Marie. Hey, tous les hommes raffolés répètent son nom. Rose Marie. Car c'était le lit de l'idéal. L'idée idéale, l'idée idéale, c'est dans tout le monde.